voyager en Italie pour chanter avec Umberto Tozzi. Nous irons voyager au Mexique pour jouer au golf avec les flics. Mais on va pas aller nager en Thaïlande. Tu ne vois pas la vie que tu mènes, ouais que tu mènes.